Yeah. Je me suis bien préparé, avec le squad j'ai démarré au calme dans mon 6 mètres carrés. Des impro d'art avec Areno Jazz, une tête de gut killer, post-casse et enregistreur, gros phrasé, hors de kicker, propagé hors du milieu, venu pour niquer le bise avec des rêves de gosse fauché. Le style était naïf, j'avais que la piscine pour me doucher, ça aussi c'était maïf. Je te jure que tout est réel, maintenant je cours ma vie comme dans les films de foot de Bébel. En pleine action, la haine à son apogée, trop de délations. Des gros mecs veulent me mettre la sion près, qui veut couper mes ailes, hein? Qui, toi, me dit que ça? T'inquiète, j'ai quelques princes. Mais tu me dis quoi, ancien de fille, tu violes tes petites de 15 piges. Les masques tombés, je n'ai pas peur des mastodontes. Je joue pas au con, même si t'es pas content, j'efface le contrat. Tu collectionnes les petits dossiers, tiens les gens par les chantages. Tu peux hausser le ton, personne croit tes légendes invraisemblables. J'avance à toute patate, mais le volant est cassé. Je sais pas si le beau temps est passé, mais le mal je vais l'effacer. Je suis dans ma dernière course, mais plus de dérapage à contrôler. Je paiera pas pour tes rapaces, mais pour le vrai rap abandonné. Je veux faire mieux qu'hier, c'est la base. Grandir, c'est ne pas avoir peur devant ses limites et savoir gérer ses dérapages. Les paillettes j'en veux pas, ça rend fou. Rester fidèle à soi-même et faire on le retient pas avant tout. Si le succès n'est pas là, dommage. Quoique dans le fond je doute d'en vouloir au point que tout ça me fout en l'air comme Maradona. Je passerai pas la pommade à ceux qui nous crachent dessus si ça pète. Je ramène mes bougues et deux ou trois aromates. Je comate trop souvent, les yeux dans le vide, un pilon qui m'apaise. Me soulage quand je kick pieds nus sur la braise. On négocie la courbe avec aisance, t'es cloué sur ta chaise. Dis pas complaisante si tu trembles en cachette, hein. Vie active en marche des idées, fantasmes, clichés. Qui a dit qu'il fallait respecter les schémas en plat des idées? Chaque route a son double tranchant, mais qu'est-ce que ça me coûte si ça vaut le coup, je le tente quand même. Vie active en marche des idées, fantasmes, clichés. Qui a dit qu'il fallait respecter les schémas en plat des idées? Chaque route a son double tranchant, mais qu'est-ce que ça me coûte si ça vaut le coup, je le tente quand même. On peut plus se permettre de béton avec la pression des fans. Faut rester soi-même ou se remettre en question, c'est l'injection létale. Fais sauter le caisson des basses, on va te montrer ce qu'on est capable de faire. Ça rappe jusqu'à l'extinction des phares, mais on sait s'arracher en balle quand les flics voient rouge. Si tu nous vois chasser en crabe, c'est pour suivre la courbe. Ça gamberge, quadrille les zones à risque, pratique la dite méthode à l'ancienne. On a pisté vos tactiques, s'appliquent et suivent les ordres à l'envers. Trouve une alternative à ces taffes mortelles. Rien à voir avec l'avenir de l'esclave moderne. Mes sales potes viennent d'ethnies diverses et charbonnes. Sans permis ni caisse, on écrase votre game avec Stalbon. On n'est pas sûr de notre avancée, avancer t'es facile. Avec Bécassine à la télé, appareillé près de mes racines. C'est la distance qui nous fait tenir. Quand j'y pense, c'est le silence qui foule mort. De nos bouches sortent que des bêtes de rime. Donc je bouge tout par vers Venise ou Rio. Je fais pas des bails déprimants, je vise haut, je veux pas savoir l'état de mes finances. Vas-y sinon pète le Dom Pérignon. Byzance dans toute la place. Mes négrillons iront loin même sans les cours de la fac. Face à ce que t'écoutes, ça rap contrôlé. Le 11 promet d'être fat si le doute s'abat. Ne dis jamais qu'on se connaît, ça compromet l'avancement. On semble unanime et gâche l'agencement. L'abolition du statut d'artiste. Gare aux dictons qui te font foncer dans le décor. Sur le ring, confronté à l'ennemi, évite de te faire foncer dans les cordes. Si tous les plans se dérobent, maîtrise la trajectoire. Évite la marée noire, la vérité réside dans nos choix. Savoure le paysage, on s'occupe de la trajectoire à suivre. Je vais pas user ma salive, je préfère parcourir le territoire. J'ai bouclé ma valise, poussé par la mif. Je voulais pas jouer à l'artiste, tu sais ce que c'est quand ta mère te dévisage. En attendant, je navigue entre les embrouilles et les bons plans. Je fais confiance à mon sens pratique, on entasse les récompenses. Dans le rap sans armes, vandalise. On glisse dans les virages, ensemble on prend racine. Je pense que ça les déconcentre. Le dérapage est contrôlé, allez remballe tes condoléances. C'est osé, mais mon dossier ne comporte pas de preuves compromettantes. J'ai rodé un peu partout en France. Désolé pour ce que j'ai dérobé, mais je peine à oublier ce que je traîne depuis l'enfance. Mais bref, on tente de s'imposer. Le 5 majeur feinte la peur, frère. Je me réserve le plaisir de t'informer. Bref, on tente de s'imposer. Le 5 majeur feinte la peur, frère. Je me réserve le plaisir de t'informer.